Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Bon, très bien, en pleine forme aujourd'hui. Vous avez l'air en pleine forme. Il est minuit pile et c'est le premier rendez-vous. Ça sera donc le générique de cette nouvelle émission. Espérons qu'il y ait une deuxième. On ne sait pas trop où on va mettre les pieds ce soir. Dans les studios et en direct de Fun Radio dans le Star System, Gérard et Françoise avec un droit de réponse. Pourquoi ce droit de réponse? C'est très très simple. Ça fait déjà longtemps qu'on connaît Françoise avec ses coups de gueule du mardi 10h30 et qu'on connaît Gérard avec ses débats du jeudi soir la nuit. Et il est vrai que souvent il se renvoyait la balle en se disant voilà, Françoise disait Gérard a fait ceci, Gérard disait Françoise a fait cela, et il y a eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et on a eu à la fois le plaisir et le danger d'inviter ces deux personnes dans les locaux, et ça a donné un droit de réponse assez hallucinant. Et aujourd'hui nous avons décidé d'un commun accord et bien de mettre tout à plat. Bonsoir Gérard. Bonsoir Max. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Gérard ne perd pas de temps, il commence déjà à s'énerver. Il y a trop de lumière, mais ça sera comme ça. C'est la vie, c'est la télévision et c'est la radio. Alors on va commencer, bien entendu, pas des coups de gueule. Alors je tiens à dire quand même aux auditeurs qu'ils pourront nous appeler. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Et sérieusement, si vous voulez nous appeler, bien entendu, et réagir, ça ne sera pas un débat. Donc vous passerez les uns après les autres et non pas 10 par 10 sur l'antenne. Suite au coup de gueule que les uns et les autres vont se donner, eh bien, vous aurez l'occasion de réagir, de prendre peut-être parti pour Françoise ou prendre parti pour Gérard. Ou bien tout simplement poser des questions si vous avez des doutes, si vous avez peut-être entendu des choses pas très catholiques sur Gérard dit par Françoise ou inversement. Vous nous appelez dès maintenant. Il y a Julie et Gaël qui vous attendent au standard de Fun Radio 0800 70 5000 et Gaël également 0803 08 5000. Alors, Françoise, pour démarrer, nous allons peut-être si Philippe ou Cyril pouvait un tout petit peu baisser le micro de Françoise, voilà, lui baisser le c'est pour qu'elle l'ait bien devant la bouche, ça serait bien. Voilà, parfait. Approche-toi bien, approche le micro encore. Voilà, bah, c'est parfait. Françoise, je sais que tu as envie de dire des choses et bah, nous t'écoutons. Ouais, déjà une première chose, Gérard, tu me dis, tu m'as parlé de framboise. Elle t'a rien dit d'extraordinaire. Elle t'a seulement dit qu'elle était amoureuse de toi. Non, mais alors, moi, je vais te dire une chose, Françoise. Bon, bah, bon, attends, Françoise, maintenant, je vais te répondre à ta question. Dans ce cas-là, la personne, si elle a quelque chose à me dire, elle me le dit en face. Elle vient me voir, elle me le dit. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On est clair, on est d'accord. Mais t'inquiète pas, on va te le dire en face. Dans ce cas-là, c'est pas la peine qu'on passe sur des numéros de téléphone. Soi-disant, il paraît que t'aurais appelé Henri, en lui disant comme quoi que... Alors, qui est Henri? Henri, c'est celui qui t'amène régulièrement, voilà, les deux jeudis. Et Framboise, c'est tout simplement une auditrice qu'on connaît qui vient te chercher de temps en temps, Françoise. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'aurais entendu dire, Gérard, sur Framboise? Que, en fin de compte, elle dit des choses sur toi? Donc, soi-disant que tu l'aurais dit il y a 15 jours maintenant. Pas cette semaine, mais il y a 15 jours, il paraît que tu aurais dit que Framboise voulait sortir avec moi. Ah oui? Non, mais maintenant, si elle veut me le dire, qu'elle me le dise en face. Ou qu'elle m'appelle, ou qu'elle m'écrive. Bah, un peu de téléphoner, ça. Quand bah, dans ces cas-là, moi, je donne l'autorisation. Maintenant, si Framboise, tu m'écoutes. Hein? Ah oui, de toute façon, elle est sur l'antenne. Hein. Bon, bah alors, si Framboise t'écoute, tu fais le 0803-08-5000. Ouais. Et t'appelles et tu me dis ce que t'as à me dire. D'accord, donc c'est véridique, apparemment, Françoise, elle a envie. Non mais attention, ouais. Attention Françoise, moi je vais te dire une chose, je veux pas un lapin. Parce que du lapin, j'aime bien le lapin, mais sans la peau. Ouais, bah ça je m'en doute. Ok. Ça c'est pas mal, c'est bien un jeu de mots, ça. Ça commence très très fort, donc j'ai hâte. Alors, en bon entendeur, salut, j'espère que c'est pas un lapin. Tu t'en vas déjà? Tu t'en vas déjà? Non, non, mais j'espère que c'est pas un lapin. Ouais. Donc, maintenant, si Framboise, tu m'écoutes, t'appelles. Ouais. Tu passes par Julie ou Gaël, tu dis que c'est Framboise et tu me dis ce que t'as à me dire. Voilà. Et à l'arrière, hors antenne, je te donnerai mes coordonnées. Voilà. Au final, à la ligne. Donc, voilà. Donc, on peut dire que c'est un droit de réponse qui démarre très très bien. Alors, Françoise, mardi, tu as terminé ton coup de gueule en disant que Gérard était un PD. Oui. Alors, avant que Gérard ne réponde, puisqu'on va essayer de s'organiser avant que ça, vraiment que ça pète dans tous les sens et que je ne puisse plus ne plus gérer mon débat, Françoise. Oui, parce qu'il n'arrête pas de me traiter de connasse ou de poivrotte, et ça, j'ai sur une radio qui a dit que j'ai même le papier En principe, c'est... Non, Gérard, non, s'il vous plaît, Gérard, restez assis. Elle va me le montrer ensuite, bientôt. Non, tu l'auras pas dans les mains. Hein. Voilà, attends, je vais te dire une chose, Françoise. Je vais te dire une chose. Dans ce cas-là, le monsieur consent. Et là, je vais pousser ma gueule. Là, je vais l'ouvrir. Consent qu'il est venu à la loco, qui s'amuse à dire que je t'insulte sur toutes les radios, qu'elle les couilles au cul. Qu'il appelle ce soir. Non, alors on se calme, Gérard. Non, attends, tu permets, Max. C'est pas attends. Fini. Ce matin, non, Gérard, il paraît que je t'insulte sur toutes tes radios. Oui, il paraît. Oui, mais alors, dans ces cas-là, que le mec, il a des couilles au cul et qu'il me dise. Alors attendez. Sur quelle radio que je t'insulte et qu'il reconnaisse ma voix. Tout à fait. Alors, Gérard, on va se. Je suis de la ville de Versailles. Bah oui. Oui. Bon, Gérard, j'ai jamais été insulté sur d'autres radios. Bon, Gérard. Et sur Fun Radio, je t'ai jamais insulté. Gérard, attends. Alors, c'est clair et net. Gérard. Max est là. D'accord. Pour te dire. Attends. Tu permets, s'il te plaît, Max. J'ai pas fini. Oui, mais attendez, parce que là, tu vas un petit peu vite. Parce que le problème qu'il y a, là, on aura l'occasion de revenir là-dessus, justement, sur les mais gens. Mais moi, ça va aller vite. Non, mais je sais, mais attends, deux secondes. Déjà, de préciser que pour ceux qui nous regardent sur Fun TV en ce moment, dans la radio, bien entendu, que c'est retransmis en direct ce débat, et dire que, avant de savoir les tracts, etc., et passer vers d'autres personnes, j'aimerais qu'on reste vraiment entre Françoise et toi, Gérard, avant d'aller vers les autres. Françoise, donc toi, on t'a dit. Mmh. On t'a dit, mais est-ce que tu penses que Gérard est homosexuel? Oui. Pourquoi? Ah oui. Attends, Gérard, pourquoi? Après, tu as le droit de réponse. Il faut la laisser, c'est ça le droit de réponse. Pourquoi? Parce que, déjà, quand tu le vois marcher, il a une démarche pratiquement de PD. Alors. Et hop. Tu fais le droit de répondre tout seul, c'est ma question. Attends. Hey. Qu'est-ce que tu viens de dire? Une démarche de PD? Oui. Non mais oui. Attends. Non mais tu fous de ma gueule ou quoi? Bah non. Non mais attends. Non mais attends. Te fous pas de ma gueule, tu veux? Te fous pas de ma gueule. Non. Te fous pas de ma gueule, tu veux? Gérard, s'il te plaît. C'est pas moi qui demande à ton mec de me payer un taxi. Gérard, okay. Si vous mélangez tout, Gérard, tu mélanges tout. Je vais essayer de calmer. Non, Gérard, s'il te plaît, ce qui est très important dans ce débat ce soir, Gérard, non mais reste avec nous, tu mets ton casque, tu ne fais pas comme à chaque fois. Remets ton casque, s'il te plaît. Remets ton casque. C'est Gérard. C'est du cinéma bon. Que tu fais. Alors. Non, écoute, François, s'il te plaît, oui, deux secondes. Tu fais du cinéma. Attends, c'est du cinéma. C'est toi qui me cherches. Gérard, deux D'accord. secondes. Gérard, s'il te plaît, deux secondes. Merci, tu c'est me laisses. Gérard, s'il te plaît, maintenant, tu fermes ta gueule. Je gère mon débat, donc j'explique aux gens. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on pose une question, tu ailles vers une autre réponse. Il faut que tu répondes à la question. Elle dit que tu as une démarche d'homosexuel. Alors, Gérard, réponds, mais essaie de ne pas t'énerver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin, on va faire un sondage, on va demander aux gens qui vous avez cru la plus franche ou le plus franc à t'énerver toutes les 5 minutes. Écoute-moi. Ils vont dire, Françoise. Oui, parce que tu t'énerves. Tout. Mais c'est normal, même moi, mais tu t'énerves toutes les 2 secondes. Reste calme. Non, reste calme. C'est ce que tu lui as dit d'être calme. Mais non. Non, mais attends, elle est arrivée avant moi. Gérard, je t'ai pas demandé d'être calme au téléphone. Hein? Je sais pas, moi, j'aime pas me faire traiter de pédé, n'importe quoi. Eh ben, tu lui dis, mais calmement, tu l'expliques. Donc, tu non, mais moi, attends, il y a des limites. Bon. Pourquoi Gaël, il a dit tu restes calme. Hein? C'est bon. Pourquoi? Au standard, Gérard, moi, c'est simple. Non, attends. Oh! Personne m'a dit de rester calme. Alors attends, monsieur, tu crois que j'ai pas vu Gaël qui t'a fait hein. Sur les toits? Pourquoi Gérard, j'ai demandé? Attends, Gérard, mon caractère, je te signale. François, s'il te plaît, merci. Gérard, pourquoi Gaël a dit? Parce que c'est un moment pour m'aider, parce que comme t'es ingérable, t'es un gamin et que je te demande de me regarder et qu'en plus tu ne me respectes même pas. C'est mon émission, c'est mon débat, c'est moi qui fais ce que je veux, c'est pas toi qui décide de quoi que ce soit. Et t'es tout le temps en train de brailler, quand je te demande de t'arrêter, tu continues. Et t'es tout le temps en train de donner des réponses différentes aux questions qu'on te pose. Donc réponds aux questions, on demande justement, heureusement qu'elle est là Françoise pour être calme, parce que t'es, à toi tout seul c'est ingérable, on serait déjà obligé d'arrêter. Oui. Si elle était exactement comme toi, c'est énervé toutes les 2 secondes, ça serait inaudible pour les auditeurs de la radio. Donc essaye comme un adulte, comme à la télévision, quand on voit les vrais débats entre hommes politiques, d'essayer de chacun votre tour. Tu m'avais promis aux antennes que tu serais calme quand on s'est appelé en fin d'après-midi, et là tu pètes un plomb. Alors qu'il est minuit 10 et qu'on est censé aller encore un petit peu plus loin. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas à cause de qui? À cause uniquement de toi. Donc pourquoi? Parce que dans ce cas, j'aime pas qu'on traite de PD. Eh bah, tu Parce dis que je suis pas un PD. Eh bah, ben je suis d'accord avec toi. J'ai pas une démarche de PD. Mais je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, il faut le dire, bah, c'est pas besoin de se dire. Maintenant, alors qu'est-ce que t'as à dire contre elle maintenant? Non mais attends. La première chose, qu'est-ce que t'as à dire contre elle? Dans ces cas-là, moi je vais dire une chose, c'est les mecs qui s'amusent à lui laisser des messages sur son répondeur. Dans ces cas-là, qui reconnaissent bien les voix et qu'elles disent pas que c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Parce que j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je suis encore consent, qui arrête pas de me faire chier. Alors Françoise, là-dessus. Alors maintenant, Françoise, tu vas faire une chose, hein, tu vas le dire en direct. Tu vas bien dire. Et ça, je te préviens. Le dernier message, si je le reçois, et que c'est encore inconscient, tu dis comme quoi que je t'insulte sur toutes les radios, tu vas te débrouiller. Mais moi, ton numéro, je ne l'ai donné à personne. Alors maintenant, qui a donné ton numéro de téléphone à l'antenne? C'est pas moi. Qui a donné mon numéro de tatou? Je sais qui c'est. Et ce personne-là, je m'en fous. D'accord. D'accord. Gérard, donc on va laisser... Alors maintenant, Françoise, je te laisse la parole. Voilà. Maintenant, tu as bien précisé comme quoi que ton numéro de téléphone, je ne l'ai donné à personne. Alors maintenant, Gérard... Claire, de toute façon, je me demande comment alors, tu l'aurais eu. Une chose. Hein. Alors, Françoise, tu réponds. Alors justement, j'ai mis le sablier, maintenant on va faire d'une autre manière. Sinon j'éteindrai les micros des gens s'ils ne veulent pas se taire. Je pense que j'éteindrai souvent le micro de Gérard. Françoise, est-ce que réellement qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de voix de Gérard sur ton répondeur? Bah rien, une nuit, ça a sonné, ça a dit allô Françoise, c'est Gérard. Et j'ai bien reconnu sa voix, ça a raccroché en pleine nuit. Alors, qu'est-ce que disait... Jamais plus ça a rappelé. Qu'est-ce que disait ce soi-disant Gérard? Bah rien, il a dit seulement... Je suis désolé, tu t'en vas, Gérard. Tu quittes le studio. Non, bah alors, tu laisses ton micro allumé, ton casque, s'il te plaît. Non, mais tu laisses ton micro allumé, ton casque, et tu te tais. Merci, parce que arrête de jouer ta star et de croire que je vais pas te virer parce que c'est Gérard. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Si tu commences à pas respecter les règles du jeu que je t'ai demandé hors antenne, tu t'en vas. À ce moment-là, Françoise parlera toute seule et à ce moment-là, tu passeras vraiment pour un con aux yeux des auditeurs, aux oreilles des auditeurs. Donc respecte le truc et après tu as le droit de répondre. Donc, excuse-moi. Bon, qu'est-ce que je te disais? C'est en pleine nuit, une fois, ça a téléphoné. D'accord. Quand j'ai décroché, ça a dit « Allô, Françoise ?» J'ai dit « Oui ». Il fait ça a dit « C'est Gérard ». Et j'ai bien reconnu sa voix. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as reconnu sa voix? Non, c'était bien Gérard. Hein. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'aurait dit, c'est soi-disant Gérard? Ben rien, ça a raccroché. Alors, maintenant, on va laisser la parole à Gérard. Gérard. Donc, maintenant, est-ce que t'as les preuves noir sur blanc? Est-ce que t'as les preuves sur cassette? Ah non. Ah. Alors, donc... Et, étant donné que j'ai pas d'appareil pour enregistrer. Non mais attends, sur ton répondeur, t'as pas une petite casse. Non, Gérard. Mon répondeur, je... T'enregistres pas ça. Hey, Françoise. Alors, Françoise, attends. De manière, je n'ai pas l'habitude de t'appeler. Et de manière, je t'ai appelé une seule fois. Ouais. C'était pour savoir de tes nouvelles. C'était avant les coups de gueule. D'accord? On est bien d'accord. Reconnais que tu m'as appelé. Une fois, mais c'était avant les coups de gueule. On est bien d'accord. Donc, ce serait pas la nuit. Tu l'as pas appelé la nuit. Donc, non. Si tu veux. La dernière fois, la première fois que je t'ai appelé, il était 21h. Je t'ai jamais appelé de la nuit. Non. Alors, je vais te dire une chose, Françoise. À 21h, je suis en train de regarder la télé. Je suis désolé. Oui, ben, moi, je suis appelé à cette heure-ci. Bon, alors, on rappelle aux auditeurs, bien entendu, et auditrices qui nous écoutent en ce moment, que s'ils souhaitent réagir à tout ce qui est en train de se dire en ce moment, s'ils ont des révélations à nous faire, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler dès maintenant au 0870-5000 et 0803-08-5000. C'est le Star System, c'est live, c'est en direct. Françoise et, bien entendu, Gérard. Françoise, il y a une autre chose également que tu m'avais rapporté, qui nous a dit également sur cette antenne, en dehors du fait que, soi-disant, Gérard serait homosexuel, que tu disais qu'il était drag queen, tu m'as dit, et qu'il se faisait enculer dans les chiottes de la loco. Alors, attends, est-ce que tu as dit ça en plaisantant ou c'est quelque chose que tu penses réellement? Non, mais disons que tout le monde le dit. Qui le dit avant que Gérard ne réponde à ça aussi? Qui le dit? Bah, tout le monde, hein. Tout le monde, même dans ma cité, hein. Et il paraît qu'il y a quelqu'un qui l'a vu une fois dans ma cité se faire enculer. Je suis désolée, et c'est la vérité. Alors, Gérard, on a le droit de réponse. Non, mais attends, Françoise. Pour moi, c'est des cons. D'accord? Et bah, normalement, j'ai pas le droit de dire de gros mots. Parce que je n'ai pas le droit d'insulter. Non, il faut aussi. Mais moi, je vais te dire une chose. Non, Gérard, merci. Tu vois, pour moi, on, c'est des cons. Ah. Et maintenant, ceux qui t'amusent à te balancer n'importe quoi sur l'antenne, même au téléphone, si tu les crois, c'est bien. Et ben, crois-les! Est-ce que tu les crois, Françoise, réellement, que Gérard aurait pu se faire dans les chiottes de la loco? Bah oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi tu crois ça? Parce que je te pose des questions, hein, simplement. Non, non, mais d'accord, mais... Pourquoi tu crois ça? Parce que je le crois, c'est tout. Ah, parce que j'ai une tête à me faire enculer dans les chiottes de la loco. Je c'est crois ça? Bien, ouais. Non, mais attends. Tu sais ce que... je vais te dire une chose. Tu vois? Et là, on est en direct. Et moi, je vais te dire. Non. T'as une gueule à te faire... à tailler des pipes. C'est tout. Ah ben, heureusement pour moi, hein. Oui, mais attends. Je taille des pipes directement à mon bonhomme. Bon, ouais, c'est mais bon. Dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais maintenant, les cons qui disent ça, c'est des hons. Hein, Léon, pour moi, c'est des cons. D'accord. Ok. Alors, il y a un document que tu m'as remis. Ouais. Dans lequel, tu m'as dit hors antenne, si je voulais savoir ce que tu reprochais à Gérard. Après, Gérard a sûrement des choses à te reprocher. Donc là, pour l'instant, on va plus vers toi et on allume un peu plus Gérard, mais après, ça va être l'inverse, probablement. Tu nous as dit qu'à plusieurs reprises, tu avais entendu Gérard sur d'autres radios et que tu as un document qui t'a été envoyé chez toi, pré-contrat. Alors, je rigole parce que ça me paraît quand même un petit peu bizarre, et pourquoi pas. Signé du 16 juin 97, un pré-contrat d'Europe 1. Alors, ça dit ceci. Gérard, écoute, attention. Non, mais attends. Attends, s'il te plaît, je vais le lire. Je vais le lire. De toute manière, à mon avis, c'est un truc qu'elle a fait imprimer par quelqu'un. Alors, elle va répondre après. Non, je vais lire le document et ensuite tu diras ce que tu as à dire et François de son côté. Je sous-signais Francis M., président d'Europe 1, avoir signé un contrat, pré-contrat pour la saison 98-99 avec M. Gérard de Suresnes. M. Gérard de Suresnes remplacera l'émission Hubert et Malher la nuit de 4h du lundi au vendredi. Son émission portera sur la libre antenne et les débats dont l'objectif est la culture des gens. De plus, la venue de M. Gérard de Suresnes s'accompagnera de la vente de produits dérivés, le GG, Godemiché, Fouet-Slip, etc. Ça, j'y crois pas. Son salaire est donc à peu près 15 000 francs bruts par mois. Enfin, M. Gérard de Suresnes devra tenir ses accords secrets jusqu'en juin 98, signé le président et également, il y a ta signature. Donc, alors, Françoise, attends, tu peux me faire voir... Il faut pas le détruire, le document. Non, mais tu peux me le faire voir. Je te le montre et après tu me le rends, s'il te plaît, merci. Donc, Gérard va pouvoir répondre. Donc, alors... devant ton micro, merci. Françoise. Ouais. Tu peux me dire qui c'est qui a signé ça? Ah, c'est pas moi, hein. Non, mais attends. Attends. Tu peux me dire qui c'est qui a signé Gérard, là? Bah, c'est... automatiquement, non, non, non, non, non, non, automatiquement. Attends, déjà, une... Je signe pas Gérard, déjà, pour commencer. Ouais, il marche ici sur elle. Non, non. Déjà, je signe mon nom de famille. Bâtard. Donc, tu vois, là-dessus, déjà, c'est un point faux. Non, c'est pas un faux. Bon, bah alors donne-moi une feuille, s'il te plaît, Max. Alors, Gérard va nous faire une démonstration d'écriture. Une feuille blanche, s'il vous plaît, si ça vous dérange. Ah bah si, là, ça va les déranger. Elles sont obligées, mais sinon, ça les dérange. Alors, attention, alors, démonstration de signature très rapidement. Je vais vous dire ce que je signe comme alors, nom. Voilà. Ah non, mais si, ne donne pas ton nom de famille, hein, ça va passer sur Fun TV. Voilà. Non, non, s'il te plaît, tu me retires la caméra. Non, non. Bon, alors on le verra. Tant pis. Alors, donc Gérard ne veut pas nous apporter la preuve, donc là c'est irréfutable. Il cache le document de sa soi-disant signature. Fildar, Gérard, tu demandes à Cyril qui se retire avec la caméra que je fasse voir quelque chose à Max, s'il te plaît. D'accord, Cyril, tu peux te retirer avec la caméra, s'il te plaît. Non, non, mais t'entends pas, mais il te demande de te saquer. Ok, merci. Voilà, merci. Donc, vite fait, on va voir donc la signature, je l'ai vue, hop. D'accord. Ah d'accord, ok. Donc ça s'appelle un gribouillis et ça c'est en guise de signature donc de notre ami Gérard. Alors ton truc devant le micro ne tient pas debout. Ton truc ne tient pas debout parce que je signe jamais mon prénom. Voilà. Donc alors après. Gérard a sûrement des choses également à reprocher à Françoise. Ça va venir dans les minutes, mais pour le moment on va faire intervenir quand même des gens qui nous écoutent ce soir, qui sont nombreux de l'autre côté du poste, qui sont sur le qui-vive et qui ont besoin d'avoir bien plus d'informations sur vous, Françoise et Gérard. On a Eric, 24 ans, bonsoir, de Limoges. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors on t'écoute, t'as le droit de réponse, on tire. Ah oui, j'ai entendu, il y a des rumeurs qui circulent que Françoise est ou serait amoureuse de Gérard, donc j'aimerais bien savoir c'est si vrai. C'est réellement. J'en ai entendu parler. Françoise va répondre et ensuite Gérard. Françoise, je t'écoute. Eh ben, je te signale que c'est même pas une rumeur parce que c'est le dernier bonhomme qui pourrait être sur Terre. C'est pas avec un mec comme Gérard. Je sortirai avec, hein. Je suis désolée. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Gérard? Tout. C'est-à-dire? Sa vulgarité, tout. Tout. Alors, dans ces cas-là, je vais dire une chose, François, souvent, il n'y a qu'une chose que j'aime pas en toi. C'est que là, tu le dis ce soir. Mais les trois quarts du temps de mardi, t'es même pas capable de dire ce que t'as à dire. Franchement, tu laisses 10 minutes. On te laisse 10 minutes d'antenne, mais t'es même pas capable de dire ce que t'as à dire sur moi. Non, oui. Parce que c'est pas les coups de gueule. Parce que j'ai rien à dire sur toi. Les trois quarts du temps, parce que sur ton répondeur, on dit ouais, Gérard il m'a dit ceci. Mais tu vois, t'es même pas franche ce soir. Tu n'es pas franche envers moi. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois que ça arrive. Tu vois. Non, mais elle nous semble crédible. Françoise nous dit la vérité comme toi tu nous dis la vérité ce soir, Gérard. Non, mais Françoise, de toute manière, elle est pas franche. Monsieur, elle est franche. Non. Ben si. Non, moi je te dis que non. Eric, donc sois rassuré, Françoise n'est pas du tout amoureuse de Gérard. Non, pas du tout. J'en doutais parce que, comme on dit, c'est bien qu'il aime bien, châtie bien. Donc, comme il se chamaille souvent. Oui. Ouais, enfin là, il s'aime vraiment, c'est plus. Là, il se chamaille plus. Là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage à ce moment-là. C'est du plus fou, parce que là, vraiment, Françoise a entièrement raison de ce côté-là. Merci Eric pour ton appel. Et j'espère que tu resteras à l'écoute de la fin de ce droit de réponse qui, à mon avis, est loin d'être terminé. C'est agréable sur FunTV pour voir exactement les visages de chacun d'ailleurs. Ils sont quand même jolis, hein. Ouais. Faut aimer, hein. Ouais, tout à fait. L'arabe serait, faut aimer. Ouais, tout à fait. Voilà, très bien. Merci de rien. Dans un instant, nous allons revenir pour la suite de ce droit de réponse. Nous accueillerons Babar, 20 ans de Paris. Bonsoir, Babar. Salut, Max. Salut, Gérard. D'accord. Tu voudrais une petite explication quant au départ de la femme de Gérard après Françoise. Oui, alors voilà, moi, ce que j'ai entendu dire, et j'aime bien Françoise, je pense que c'était Françoise qui t'avait dit, j'aimerais que Gérard me confirme. Et Gérard, alors, est-ce que c'est vrai que ta femme t'a quitté parce qu'elle en avait marre de confondre tes slips et les couches culottes sales de ta môme? Attends, déjà une, mon pote, tu vas me dire qui c'est qui t'a dit ça? C'est des rumeurs, et puis je crois que c'est Françoise. Non. C'est vachement important pour moi, parce que je suis un admirateur, j'aimerais que tu me dises tes oreilles ou pas, quoi. Non, mais attends. Ouais. Attends. Déjà, tu vas me dire qui t'a dit ça? C'est Françoise. Quoi? C'est Françoise, mais elle était bourrée, je crois. Ah, c'est Françoise. Alors, Françoise, maintenant, tu lui réponds. J'ai jamais dit ça, moi, parce que je savais même pas qu'il avait un môme. Non, mais attends, alors, Françoise. Attends, tu permets? Alors maintenant, Françoise, de quel droit tu te permets de savoir ma vie privée? Déjà, une chose, je savais même pas que t'avais un gamin, alors allez. Non, mais attends, comment tu sais que c'est toi qui lui as dit ça? Justement. Document, hein. C'est toi qui y a dit. Là, Françoise, elle marque un point, là. Hein. Ouais. Non, mais attends, depuis quand que t'as été lui dire? Je savais pas que t'avais un môme. Tu permets, c'est toi qui y a dit. Ferme ta gueule un peu, 5 minutes, hein. Non, mais attends. Ferme ta gueule un peu, hein. Si t'es pas contente, ma petite, tu reprends le taxi. Elle est très bien, elle a le droit, elle met ses coups de gueule comme toi, tu montes. Gérard, dis donc, toi t'as le droit de monter la voix, t'as le droit de crier, elle crie, t'as bien raison. Et depuis quand t'as été dire que c'est moi qui avais dit ça? Je viens de te dire que je savais même pas que t'avais un môme, alors ferme ta gueule. Ouais, mais François, tu savais que j'avais des sites sales aussi. Voilà, donc Gérard. Barre-toi. Donc Gérard apparemment perd pied puisqu'il a enlevé son... T'as jamais pris de vape dans ta gueule, toi? N'essaye pas, parce que sinon tu vas avoir ta gueule, hein. Je te conseille pas non plus de la toucher, Gérard, parce que... Non, attendez, là on va remettre un petit peu d'ordre, c'est là où je reprends un petit peu. N'essaye pas, hein. Voilà, donc apparemment Françoise... Non mais le problème, Gérard, c'est que pour l'instant il n'y a que toi qui criais, maintenant mademoiselle a monté le ton, elle a bien raison, et là monsieur prend peur, Gérard il se lève et décide de s'en aller. Donc Gérard, je te préviens tout de suite que si tu quittes le studio, tu le quittes définitivement, c'est pas la peine de rester. Quelqu'un s'arrêtera là et donc François sera gagné ce premier match. Oui, parce qu'apparemment si t'as envie de partir. Ouais, elle va gagner le premier match en disant des conneries. Fais comme toi, tu me fais chier, tu gagnes, je m'en vais. Allez, fais comme toi. Attends, elle se permet de dire des conneries. Je m'en vais, j'en ai marre. Tu me fais chier, Gérard. Non, mais attends. Tu me fais chier. Non, mais attends, tu me fais chier. Tu me fais chier. Si je te fais chier dans ces cas-là, ce n'est pas la peine que je vienne demain, d'accord? Eh ben, je peux gueuler moi aussi. Non mais je peux gueuler moi aussi en mais elle n'est pas capable de dire ce qu'elle disait. Bravo Babar, hein, pour foutre la merde, t'es le roi, hein. Hein? Maintenant qu'elle dise comme quoi hier elle a dû dire que j'étais un PD. Mais c'est bon, c'est passé ça. Vas-y, contre qui je suis un PD? Qu'est-ce que t'as été dire hier soir devant des millions de personnes? T'as été dire que j'étais un PD, que je me faisais enculer? Non mais arrête, ça c'était... Non mais attends, tu te crois où comment dire ça? Tu crois où? Je me crois nulle part, hein. Je me crois dire la vérité, c'est tout. Non mais attends, tu m'as déjà vu me faire enculer dans la chef de loco? Tu n'y as jamais été à la loco. Moi j'y vais tous les vendredis. Bah oui, bah c'est normal. Et alors? Moi j'y vais, c'est pour voir du monde. Ouais. C'est pas comme toi. Je bois pas des bouteilles de Bordeaux. Devant le micro, là. Hein? Eh mais c'est le mardi, les trois quarts du mardi. De toute manière, on comprend même pas ce que tu dis. D'accord? Peut-être. Bon. Mais ça, c'est mon problème. Voilà, bonne réponse. Alors, ce soir, t'as un zin. Maintenant, tu vas me percer. Non, mais tu rigoles, là. Mais c'est toi, Gérard, qui a besoin que t'as bu ce soir. Une bouteille de Bordeaux. Gérard, c'est pas toi qui a bu. C'est pas toi qui a bu, Gérard, ce soir ou pas? Ouais, ben peut-être. Mais moi, maintenant, je règle mes comptes. Eh ben, on va faire ça. On va faire dans un instant. On va faire une petite pause. Non, mais là, Gérard. On sait faire. Ah, mais là, tu passes pour un con parce que tu dis qu'elle boit pas ce soir, c'est toi qui a bu, donc c'est toi qui a bu. Mais là, pour les. Moi, j'aime pas me faire insulter tous les noms. C'est passé. Mais c'est moi, c'est pas passé. Oui, mais ça y est, t'en as déjà parlé, donc on va peut-être passer à autre chose. Si t'as envie de rester sur la même question, tu te barres, tu t'en vas. C'est qu'elle a peut-être que j'ai fait l'erreur de t'inviter, que t'es peut-être pas encore assez capable de pouvoir discuter avec quelqu'un. T'es peut-être une bête sauvage qui a besoin d'être tout seul. Dans ce machin cas-là, on te remettra que je lis dans la nuit. Si tu veux pas discuter avec Françoise pour un droit de réponse qui est quand même assez alléchant, il y a des millions de gens qui nous écoutent cette nuit encore une fois et qui en plus se retransmettent direct sur Fun TV. Moi, je trouve ça dommage que toutes les deux secondes tu veuilles t'énerver. Françoise reste très calme, mais quand Françoise a décidé de monter le ton, dans ces cas-là, tu t'énerves tellement, on sent que tu perds pied, que t'es plus le Gérard. Et qu'en fait, on se dit, bah ouais, c'est Gérard 14 sûrement, parce que s'il s'énerve, c'est quelque part il a quelque chose à se reprocher. Ouais. Non, mais j'ai rien à me reprocher. Eh ben ouais, mais la façon dont on entend, on a l'impression. J'ai rien à me reprocher. Déjà, il y a certains trucs que j'ai à reprocher. Alors, Gérard, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus à ton tour, parce que la première partie était quand même consacrée à Françoise. Gérard, qu'est-ce que tu as reproché à Françoise? La première chose, une chose, et elle répondra. Ben, la seule chose que j'ai à reprocher, c'est à chaque fois qu'il a passé des coups de gueule, soit c'est pour TF1 ou autre, sur les histoires de Dallas ou autre, ou sinon c'est sur moi. Alors moi je voudrais bien savoir la personne qui s'amuse à laisser des messages sur répondeur. Dans ces cas-là, tu fais une chose. Non, non, tu t'essayes. Non mais là tu poses des questions et tu lui donnes les réponses. Alors tu lui poses non, une question. Non mais t'essayes de savoir si c'est vraiment ma voix. Mais si tu te répètes là. Comment? Tu te répètes? Non mais moi je te réponds, je te renvoie la monnaie de ta pièce. Maintenant, les gens, s'ils s'amusent à dire que c'est moi, eh ben reconnais ma voix sur C'est pas mal, il y a une caméra qui est tombée, mais c'est pas grave. Donc, Françoise, dans ces cas-là, maintenant, tu me dis en direct si c'est vraiment ma voix que t'entends sur ton répondeur. Mais non, je te dis que tu m'as téléphoné une seule fois en pleine nuit. Après, non. C'est tout, tu vas pas revenir là-dessus. Non, mais moi, je vais revenir là-dessus parce que j'aime pas trop que... qu'on sent... Et certaines personnes qui s'amusent à me laisser des messages cadeaux, comme quoi que je t'insulte sur d'autres radios. Alors que jusqu'à maintenant, je t'ai jamais insulté sur Fun Radio. D'accord? Parce que le jeudi, je viens, je t'ai jamais insulté. Là, ce soir, je viens, on fait le droit de réponse. Mais moi, maintenant, je vais te dire une chose. Si vraiment tu crois les gens, eh ben, désolé. Alors, Françoise, tu peux répondre. Donc, qu'est-ce que vient te demander Gérard? C'est pas que je crois les gens. Je viens de lui répondre que une fois en pleine nuit, il m'a téléphoné. Après, c'est tout, il va pas en revenir là-dessus. C'est comme il m'a posé tout à l'heure une question qu'Henri s'amusait à me téléphoner chez moi. Alors, je ne sais même pas. Je sais même pas s'il a mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone. Alors, entre Henri et Framboise, il y a une histoire. Alors, il faut savoir exactement la vérité. Attends. J'aimerais bien que Framboise m'appelle. Attends, un mardi, t'as été dire sur l'antenne, c'est même pas un mardi, c'est un mercredi. Donc le lendemain de l'anniversaire à Max, il est vrai. T'as été dire sur l'antenne, et ça je l'ai écouté. De quoi? Je l'ai entendu, t'as été dire sur l'antenne, comme quoi que Framboise voulait sortir avec moi. Mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais tu te répètes là. Oui mais attends, mais dans ces cas-là, si elle veut sortir avec moi, qu'elle m'appelle. D'accord? On est clair et net. Alors maintenant, moi je vais dire une chose, que les gens qui s'amusent à téléphoner sur son répondeur. T'es lourd, hein? T'es lourd, hein? Vraiment, t'es lourd, hein? Mais alors, dans ce ces cas-là, moi j'en ai ras-le-bol d'avoir des messages comme quoi qu'on me dit qu'on je t'insulte sur mon tatou, d'accord. Un dénommé Constant qui habite Versailles. Je me connais pas. Ah, ben, comme par hasard, lui, il te connaît. Eh ben, tant mieux pour moi. Hein? Alors, Il y a mes avocats, entre parenthèses, hein. Ouais, ben, tu fais ce que tu veux avec tes avocats, j'en ai rien à cirer, je m'en bats les couilles. Voilà. Il y a Jean-Philippe et... Non, mais attends, Jean-Philippe... Attends, en parlant de Jean-Philippe, c'est bizarre parce que Jean-Philippe, maintenant, il sert d'avocat, oui, alors que c'est lui qui a été dire, comme quoi que je t'insultais. Non, mais attends, tu prends les gens pour des cons, là, ou quoi? Bon, Jean-Philippe, si tu m'écoutes, appelle. Voilà, donc Jean-Philippe, si tu nous écoutes, avocat de... Manu, pareil. Voilà, Manu... Non, mais Jean-Philippe, parce que comme par hasard, Jean-Philippe, il a été de dire que je t'insultais. Alors, c'est bizarre. Et il est passé, et il a 15 ans, le gamin. Non, c'est pas la peine de donner des numéros de téléphone aux standards. Hein. Donc, ça sert à rien. On va essayer de les appeler, les avocats de Madame Françoise. Non, François. Mais attends, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Mais ça sert à rien d'appeler. Pourquoi? Mais attends, elle va prendre des avocats, moi j'ai personne. Non mais attends, elle va gagner. Alors dans ces cas-là, bravo Françoise. Ok, elle va continuer à pousser mes coups de gueule. Bah ouais. Elle va continuer comme quoi que j'insulte. Bah t'as qu'à prendre un avocat aussi de ton non, côté. Non mais attends. Elle est même pas capable de me le dire en face ce qu'elle a à me dire. Bah si, elle te le dit depuis tout à l'heure. Non mais attends. Bon, Gérard, qu'est-ce que t'as d'autre à reprocher à Françoise? T'avais que ça, c'est tout? Non, mais moi, de toute manière, je laisse dire ce qu'elle a à dire sur moi. Ah, ça veut donc dire probablement que... Non, mais attends, je laisse dire. Mais si ça va trop loin, par contre, ça reste que de chier. Alors maintenant, tes prospectus, j'en ai rien à foutre. Là, pour l'instant, c'est du papier que t'as écrit. Non, c'est des trucs que t'as écrit, Françoise. Ce que t'as donné, là, au standard, derrière. C'est des trucs que t'as écrit de ta main. C'est des numéros de téléphone. Ouais, mais c'est des numéros de Manu et de Oh, Gérard, ce sont deux numéros de téléphone. Mais attendez, vous êtes deux complices au standard. Là, le standard, vous êtes deux complices. Alors, c'est bon. Non, vous êtes deux complices. C'est bon. On n'est pas deux complices, on est... Non, attends. Non, Gérard. Non, Gérard. On est honnête. Ce sont deux. Il n'y a pas besoin d'avoir dans la main. Sois pas idiot. Oh, tu le lis comme ça. Il y a deux numéros. Il y a deux numéros. C'est quoi ça? Deux numéros de téléphone. C'est quoi cette écriture? C'est son écriture à Françoise. Bah oui, tiens. Oh là là, ce qu'il est con. Ce soir, je crois qu'on peut. Heureusement qu'on a fait ce débat. On peut vraiment s'apercevoir que Gérard est quand même de loin le plus bête par rapport à Françoise. Ouais, ouais. Je crois que ce soir, il y a 90% des gens qui sont d'accord avec Françoise ce soir. Ouais, vas-y, donne-leur. Non, mais c'est bon. Donne-leur. Sois de complice avec le standard. Sois de complice. Alors moi aussi je suis complice avec Françoise ce soir. On avait décidé de te faire un piège, Gérard. Il a bien fonctionné. Bah, bien sûr. Parce que toi, t'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Non mais attends, moi. Toi, t'as jamais marqué un numéro de téléphone sur un bout de papier. Non mais attends, moi. Tu l'as jamais marqué un numéro de téléphone sur si. Un bout de papier. Bah, alors. Moi, je les appelle pour faire les débats, pas pour balancer des coups de gueule comme ça. Mais non, c'est son avocat, elle a le droit. Non mais attends, son avocat, c'est un petit merde de 15 ans. Eh bah, tu lui diras. Mais attends. Ça n'empêche pas que t'as peur de lui, hein. Non mais attends. Bien sûr qu'il a peur de lui. Attends, et c'est encore un de tes gamins, c'est ça? Ouais, mais t'as peur de lui. Bah attends, hey, qui c'est qui doit venir me casser la gueule à Suresnes? Bah Jean-Philippe et Manu. Ah ouais? Les deux. Ah ouais, les deux. Et même son père s'il veut. Ah ouais, son père. Bah qui me touche, tu vois. Toi qui me touche. Eh bah oui, mais t'as peur. Oui, bah qui me touche. Bah t'as peur. Ouais, non, mais tu sais pas ce qui leur attend derrière. Ok. Ah, t'as peur? Non mais, tu viens de me toucher. En de bon entendeur, salut Françoise. Je t'en vas? Non mais, je te préviens. Je te préviens d'une chose. Tu sais pas ce qu'il aura ton derrière. Bon bah écoute, on vous tiendra au courant s'il y a une bagarre, bien entendu, sur les côtes de Suresnes ou la Courneuve. On fera ça à mi-chemin vers la Défense ou Neuilly devant la radio, ça sera plus simple pour tout le monde. Si vous voulez bien entendu intervenir dans ce droit à répondre entre Françoise et Gérard, vous nous appelez toujours au standard de Fun Radio qui vous est ouvert. C'est un numéro gratuit, ne vous gênez pas, c'est le 0 870 5000. On a Nicolas, 20 ans, bonsoir, t'appelles de Corse, de l'île de Beauté, quel plaisir. Bonsoir Nico. Salut tout le monde, salut Gérard, salut François, salut Max. Quel endroit exactement encore? Bonsoir Nico. À Paris-Solenzara. D'accord, ok, très bien. Tu as remarqué que Gérard ne t'a pas dit bonsoir, il a l'air très stressé. Ouais, mais Gérard c'est pas cool franchement, parce que bon, franchement je suis de tout cœur avec lui, parce que je pense que une voix en plus, la voix de Gérard, elle est hyper facile à imiter, quoi. Et je pense que c'est quelqu'un qui a voulu faire un sale coup à Gérard, qui a téléphoné à Françoise et qui a laissé un message sur le répondeur de Françoise en faisant passer pour Gérard, quoi. D'accord. Mais bêtement, je suis quoi, je dis bêtement. Et puis franchement, ouais, je pense pas que tu sois pédé, quoi, Gérard. Non, mais je suis là... Franchement, ouais. Franchement, j'y crois pas. Non, non, mais attendez, les... Bon, alors, ça suffit. Françoise, parce que Gérard n'a pas envie de faire le truc ce soir, donc on va faire ça qu'avec Françoise. Nico, pose ta question à Françoise. Gérard, tu interviendras vers 1h du matin. Vas-y, Françoise. Alors, on t'écoute, Nico. Ouais, ben, Françoise, est-ce que tu penses pas que ça serait peut-être le fait d'un petit con qui a voulu faire un sale coup à Gérard, qui aime pas Gérard, et qui a fait un message... T'es vraiment sûr que c'était la voix de Gérard ? Oui, mais même Gérard... Alors là, je suis désolé, on peut très bien dire... Moi, je me pose la question si c'est pas un coup monté de Gérard. Non, mais Gérard, il a reconnu lui-même qui va déjà téléphoner. Moi, je pense que c'est un coup monté, parce que c'est pas possible qu'il y ait un mec comme ça qui prenne la défense de Gérard. Ah non, bah franchement, c'est un coup monté. Voilà, bah c'est un coup monté. Ah non, Gérard aussi, il fait des coups montés. C'est un mec... Il a un numéro qu'il m'a donné, voilà. Ah bah, c'est ça. Non, mais c'est un mec qui a appelé ça. C'est un coup monté, Gérard. Vous avez raison, Gérard. C'est truqué, c'est un coup monté. T'as un copain Gérard, c'est ça? Non, franchement. Alors pourquoi il faudrait qu'on croie que ça soit pas un coup monté, que quand c'est des autres, c'est des coups montés? Gérard, tu peux m'expliquer là aussi? Non, mais attends. Non, tu peux m'expliquer. Non, je demande de répondre à ma question. Tu as le droit de réponse, donc tu réponds. Mmh. Pourquoi toi, ça serait pas truqué que quelqu'un prend ta défense et que quelqu'un prend la défense de Françoise, ça serait un coup monté? Non, mais attends. Parce que là, il dit quelque chose de vrai. Non, il dit quelque chose de faux parce que non. C'est des mensonges. C'est un coup monté. Non, c'est pas une chose. Déjà une. Et j'ai appelé Françoise une fois à 9h du soir, je ne l'ai pas appelé en pleine nuit. Donc, déjà, elle nous a menti sur un truc. Elle vous a pas menti, peut-être qu'elle s'est trompée. Elle nous a menti, elle a dit que je l'avais appelé à minuit alors que c'est faux. Mais je attends, ne l'ai jamais appelé à minuit. Elle ne ment peut-être pas, elle pense que c'est vrai. Toi, lui prouver que c'est faux. Enfin, pour ça qu'elle ment, elle croit pas. Oui, mais maintenant, est-ce qu'elle a des preuves à faire genre? Tu te souviens d'une fois où il y a un auditeur qui a passé son antenne et puis il s'est fait passer pour Gérard, j'ai cru que c'était toi, tu m'as dit que c'était pas vrai. Eh ben, pourquoi ça peut arriver à tout le monde? Elle a peut-être cru que c'était toi. Mais alors maintenant, moi, je vais demander une chose à tous les auditeurs. Est-ce que vous croyez? Et ça, je le maintiens. Est-ce que vous croyez que je passe sur toutes les radios? Mais non, jamais de la vie. Non, mais attends, Nicolas. Ouais. Nicolas, ouais. Je demande une chose. Ouais. C'est que tous les auditeurs qui écoutent... On vient de l'entendre. Donc, il y a des gens justement qui t'ont entendu sur d'autres radios qui vont intervenir. Alors, il va falloir qu'ils réagissent. Ou faux? Alors, bah justement, ça sera... Maintenant, envoyez les preuves. Ça va être dans un instant, puisqu'en plus il y a Manu qui dit t'avoir entendu sur d'autres radios en insultant Françoise. Françoise, est-ce que t'as déjà entendu Gérard sur d'autres radios? Moi, je l'avoue, j'ai jamais entendu Gérard sur une autre radio. Non, mais attends, Nico, il faut pas qu'elle apporte de preuves à une chose qu'elle n'a pas dite. Elle a jamais dit qu'elle l'avait entendu, donc il y a pas pour ça qu'elle a une preuve. On lui pose la question, c'est une question. J'ai jamais entendu Gérard sur une autre radio. Eh ben, très bien, on va donc saluer Nico et on va donc accueillir très vite Manu, 16 ans de Paris, qui lui aura entendu Gérard insulter Françoise sur des autres radios. Alors Manu, bonsoir. Bonsoir, alors d'abord je me présente parce que je suis l'avocate Françoise. Ah. Allô? Mais c'est bon, maintenant tu vas dire ce que tu as à dire, d'accord? Alors il se trouve qu'à 1h du matin... Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, t'as 16 ans. Voilà. Alors maintenant, vas-y, je t'écoute. Voilà, il se trouve qu'à 1h du matin, j'étais avec un ami, on écoutait la radio. On peut citer le nom de la radio, juste les initiales peut-être. Cite le nom de la radio parce que moi je vais dire une chose, il y a des noms qu'on sent et moi j'ai pas peur de le dire, tu vois. Il y a un dénommé Consent qui s'amuse à dire que comme quoi que j'insultais Françoise sur Skyrock RTL. Ah bah Constant, il sera là dans un instant, Constant. Oui, ben justement, cet abruti-là. On reviendra après dessus, oui. On mélange tout. Donc alors maintenant... Manu, je t'écoute, tu merci Gérard. Et Gérard, Manu, on t'écoute. Voilà, alors il se trouve que les initiales c'était SK quelque chose. SK, merci. Bravo. C'est toi qui l'as dit, hein. Ouais, ben, apparemment, t'as l'air de bien le savoir, Gérard. J'ai pas peur parce que je te dis une chose que c'est pas ma voix. SKYROCK, ça nous avait pas aidé, hein. De toute manière, j'ai jamais été sur Skyrock. D'accord, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, hein, Gérard. Moi, je t'ai entendu, par contre. Oui, c'est ça. Gérard, on veut des preuves aussi que t'es jamais passé sur Skyrock. Eh ben, trouve quelqu'un qui écoute Skyrock et qui me fasse passer... Maintenant, définitivement. Bon, alors, il se trouve qu'on a écouté. Il y avait un auditeur qui se faisait appeler par Momo, qui a commencé à dire qu'il y avait une certaine auditrice qui faisait des coups de gueule sur une grande radio en France, et que toi, tu occupais aussi une place dans cette radio, et que tu voulais aussi pousser et casser la gueule à cette auditrice. Attends. Oui. Attends. Depuis quand que j'ai été dire ça sur une radio? Ah bah, je t'ai entendu la semaine dernière. Attends, la semaine dernière, quand? La semaine dernière, ça devait être un lundi. Ah, un lundi? Ouais. Alors, tu mens parce que le lundi, j'ai dit une chose, que j'écoutais Fun Radio et j'étais chez moi, tu vois. Entre quelle heure et quelle heure? Vers 23h. 23h? Mmh. Eh ben, t'es un menteur. Pourquoi? Tu mens. Pourquoi? T'es un menteur, t'es vraiment un menteur, mon pote. Bah, dis-moi pourquoi. Ah, parce que je vais te dire une chose, que lundi à 23h, mmh, tu vois, j'étais dans le canapé et j'étais en train d'écouter Max. C'était une preuve? Oui. Laquelle? Oui, j'ai pas mal de gens qui étaient chez moi et qui peuvent te fournir les preuves. Donc, mon pote, là, tu mens. Eh ben, moi, je t'ai dit que je t'ai entendu et que t'as dit, oui, que j'avais une certaine... Oui, sur une grande radio, que, oui, toi, tu voulais prendre sa place et que, franchement, elle commençait à t'énerver. Oui. Tu avais même traité de poivreau, et là, franchement, je commence à me poser des questions sur toi. Hein. Alors, attends, dans ce cas-là, tu vois, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais demander à Françoise si lundi, elle a entendu ça. Françoise, à toi. Vas-y, Françoise. Non, j'ai pas entendu ça, Manu. Ouais. Sauf que, si, quand tu m'as fait écouter cet après-midi, comme quoi, qu'il m'avait traité de poivreau, à ce moment-là, essaie de repasser à la bobine. Non, là, je l'ai pas sur moi, c'est pas moi qui l'ai. Mais attends, Françoise. La bobine, je ne l'ai pas, oui. Hé, Françoise. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu que tu la fasses écouter, ça aurait prouvé par A plus B. Exactement, mais bientôt, t'inquiète pas. Non, mais bientôt, attends, pourquoi bientôt? Bah, non, mais attends, pourquoi bientôt? Parce que t'es pas capable de... Là, maintenant, oui, exactement. Ah, bah alors, dans ces cas-là... Ah, bah oui, mais toi, t'as aucune preuve comme quoi t'es... Non, mais attends, dans ces cas-là, t'es un menteur, parce que j'ai pas pu insulter Françoise à 23h30. Mais qu'est-ce qu'on en sait? T'as aucune preuve. Non, mais attends, il a raison, t'as aucune preuve. Non, mais attends, déjà, tu mens. J'ai pas de problème. Mais non, Gérard, déjà tu mens. C'est peut-être toi qui mens, Gérard. Attends, tu veux savoir ce que je faisais lundi? Tu nous l'as déjà dit, t'étais assis sur ton canapé en train d'écouter Fun Radio, mais t'as aucune preuve. Oui, eh ben, t'as vraiment une preuve sur moi? Bah, pour l'instant non plus. Donc, bah alors? Pour l'instant, c'est quoi, espèce de petit branleur? Donc, espèce de branleur de 16 ans! Attends, mais est-ce que je t'ai insulté? Tu veux comment ça insulter? Non, mais attends! Déjà, t'as même pas aucune preuve! De manière que t'es en train d'enregistrer des cassettes! Barat, t'es en train de faire du piratage! Et tu envoies ça à Françoise! Parce que normalement, tu devrais avoir le numéro de téléphone à Françoise! Pour l'instant, t'es en train de faire. Tu fais du piratage! Bah, demande à Françoise! Tu fais du piratage! Demande à Françoise et j'envoie une cassette! On va demander à Françoise de répondre. Jamais tu m'as envoyé encore une cassette! Alors, tu la fermes? Tu vois bien, hein, j'ai jamais envoyé de cassette, alors bon. Tu vois que je suis un menteur! Non, mais attends! Ouais? Attends, déjà, pour l'instant, t'as jamais envoyé de cassette, mais maintenant, on va attendre tes preuves, d'accord? D'accord. Okay. Françoise, mardi, elle attend mardi pour nous donner les preuves sur l'antenne. Voilà, on va enlever Manu et on attend les preuves pour la suite. Françoise, est-ce que tu as encore d'autres choses à reprocher à Gérard, qui est là ce soir pour ce droit de réponse numéro 1? Non, j'ai rien à lui reprocher pour le moment. Par contre, je voudrais avoir au moins son avis sur un magazine qui s'appelle Paris Macho. Alors, je vais dire une chose, sans ça, là-dessus, je ne répondrai pas. Ah, oh, alors là, c'est encore je vais dire une chose, que le dénommé Fesse de Babouin, oui, je sais qui c'est. Bah oui. D'ailleurs, il a envoyé au moins là, c'est faux. Bah, il a envoyé... Moi, je suis abonné, moi aussi. Hein. Ouais, bah, t'es abonné, t'as reçu une mag. Françoise est abonnée. Comment? Alors qu'est-ce que tu as lu dans ce magazine? J'ai rien lu pour le moment. Hein. D'accord. Mais t'en as entendu parler? Oui, bien sûr. Et il est vrai que dans le magazine on dit que tu parles d'elle. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux. Donc ça veut dire que tu parles dans ce magazine, mais c'est pas d'elle. Non. Mais en vrai, de toute manière, je n'ai jamais fait d'interview sur Homo Mag. Sur Paris Macho, merci pour l'écho. Donc j'ai jamais fait de reportage là-dessus. Le seul reportage que j'ai fait, c'est sur XL. Mm-hmm. Donc c'est tout. D'accord. Je n'ai jamais parlé de Françoise. Et je ne parlerai jamais de Françoise. Je n'irai jamais l'insulter comme certaines personnes ont été le dire. D'accord. Donc Françoise, c'est tout ce que j'ai à dire. On t'a parlé de ce magazine. Oui. Tu dois le recevoir d'ici peu de temps chez toi, c'est ça? Alors. D'accord. Et quelqu'un t'a appelé? Comment t'as su que ce magazine existait? Bah, disons que c'est un auditeur que sans arrêt il me téléphone pour savoir si je les ai bien reçus. Ouais. Parce, mais c'est pas... parce qu'il y a au moins 200 personnes qui ont reçu ce magazine. C'est pas un... Gaël, apparemment, on le reçoit aussi à la radio, le magazine. C'est pas un dénommé Fesse de Babouin, Œil de Lynx. Œil de Lynx. Ouais, ben, t'inquiète pas. Alors, celui qui habite plutôt, et pareil, ce serait une nana sur plutôt qui aurait donné mon adresse. Et alors Œil de Lynx. Alors, espèce de babouin, exactement. Je vais te dire une chose. Ta gueule de babouin, eh ben, tu vas la garder. Et tes magazines, tu as torché le cul avec. Mais il s'en fout, il en distribue quand même. Il t'a beau lui gueuler dessus, il continuera plus. Non, mais de toute manière, il a pas besoin d'essayer de me téléphoner sur une cabine. Parce que de toute manière, à chaque fois qu'il va me téléphoner, de toute manière, il va se faire jeter. D'accord. Mais enfin, il continue à distribuer son magazine. Eh ben, il fera ce qu'il voudra. Hein. Mais moi, je vais dire une chose, que je commence à en avoir le bol. Alors maintenant, je préviens d'une chose. Et ça va être clair et net. Ou vous vous calmez. Et tout le monde, on reste en bon terme. Ou vous continuez à me balancer des saloperies sur moi. Ouais. Et dans ces cas-là, je vous laisse tous tomber. Je laisse tout tomber, c'est-à-dire même mes auditrices. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutent à l'heure actuelle. Oh, il n'y en a plus beaucoup hein, aujourd'hui des auditrices. Hein. Il n'y a plus que des mecs qui écoutent. Non. Oui. T'inquiète pas, j'ai encore des auditrices. Oui, t'en as une vingtaine. Tu peux plus appeler. Oui, t'en as 20 ou 200, mais c'est tout. Et non. Pourquoi ? Parce qu'au standard, on les rejette. Ben non, il n'y a que des nanas. On les rejette au standard. Au standard, c'est Manu, tu veux toujours les mêmes. Donc on refuse de te donner toujours les mêmes. Eh ben, dans ces cas-là, le jeudi, j'ai pas besoin d'avoir Tony, Arnett et tout ça. Bah, parce que je sais très bien que vous avez un annuaire et vous reprenez les mêmes dans les bureaux. Ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir. Donc, alors moi, je vous préviens. Oui. Donc, je n'ai jamais insulté Françoise lors de mes émissions de jeudi. C'est pas ce soir que je vais l'insulter. Alors maintenant, ceux qui disent que Françoise, je l'insulte sur le tatou, comme ça a été dit, eh ben, prouvez-nous des preuves et que Françoise... Prouvez-nous des preuves, ça sera une belle phrase. Envoyez les preuves à la radio. Prouvez-nous des preuves. Envoyez les preuves et Françoise... Garde tes cassettes si t'as un répondeur. Voilà. Mais pour savoir si c'est vraiment. Très bien. On continue. L'inconvénient, sur mon répondeur, j'ai pas de cassette. Ah ben alors, attends. J'ai pas de cassette. Voilà. Non mais attends, t'as un répondeur et t'as pas de cassette. Ben moi non plus, hein, c'est un truc. Qui marche à pile. Non mais attends, t'as quand même une... Ça s'appelle un répondeur numérique et il n'y a pas de cassette. C'est une puce magnifique. Non, mais cassette, je suis désolé. Gérard, je n'ai pas de cassette. Mais attends, mais tu t'es arrêté, on est dans les années 70 toi ou quoi? Je suis désolé, il y a quand même des cassettes. Mais arrête, il y en a. Il y a des répondeurs. Bon alors, si quelqu'un nous écoute et qui a un répondeur avec soi-disant un numéro numérique, et s'il pouvait avoir une cassette derrière, ben. D'accord, merci beaucoup, Gérard. On continue vite fait avec Constant, donc le fameux Constant. Ah ouais. 20 ans de Versailles, bonsoir Constant. Bonsoir monsieur Gérard. Salut, trou du cul. Comment tu vas depuis vendredi? Ta gueule, toi, connard. Non, mais attends, déjà toi, tu vas fermer ta gueule parce que c'est toi qui s'amuses à balancer des trucs dans la loco. Bah oui. Et oui, alors, ça te fait plaisir? Bah oui. Ouais, ça te fait plaisir. Tu l'as là, le tract? Non, je l'ai pas. Et ça te fait plaisir? Et ça fait rigoler Max? Espèce de connard, va. Ça me fait rire, oui et non. Ce qui me fait rire, c'est que tu t'énerves. Ouais, mais attends, maintenant c'est lui. Toi, maintenant tu t'en prends à lui. Bah je vais m'en prendre à lui. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais dire, Constant? Bah je souhaitais dire que avant tout, c'est les culottes de Françoise, je sais qui c'est qui les a. Bon, c'est qui les a les cassettes? Tu te marres avec lui. Mais je me marre parce que tu te défends pas, parce que c'est vrai ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de culottes? Bah les culottes. Mais attends, qui c'est qui a te dire que c'est moi qui avait les culottes de Françoise, espèce de connard? Bah c'est moi. C'est toi, ça te fait balancer dans toute la loco. Bah oui. Et ça te fait plaisir. Bah ouais, mais tu m'as fait chier avec toutes mes auditrices. Non, tu voulais pas que je les drague, alors. Mais alors. Françoise, aujourd'hui, tes culottes, elles en sont... T'en es où? Bah j'en sais rien, j'ai demandé à Julie, mais elle arrive pas à les trouver. Bah tu vois, c'est Gérard qui les a, il les a donné à 10 foules sur Skyrock la dernière fois. Bon, allez hop. Voilà, ils sont là. Alors là, je te dis une chose. Toi, connard. Enculé. Toi-même. Fils de pute! Ah, Bojard, c'est terminé, tu t'en vas. Merci, au revoir. Non, c'est terminé, c'est fini pour toi, c'est terminé. Je t'avais prévenu, c'est terminé pour toi. Je te dis que c'est terminé. Tu peux enlever ton casque, tu peux y aller, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Non, mais c'est terminé, je rigole pas en plus. C'est pas juste pour le plaisir de déconner, je l'avais prévenu, pas d'agressivité, fils de pute, on arrête, c'est terminé. Merci qu'on s'est terminé, merci beaucoup. Françoise, donc du coup, on n'aura pas le temps de passer Goldorak, ou peut-être juste une petite statistique. Goldorak, vite fait, une petite statistique, on va s'arrêter là. Grâce à Gérard, donc, qui a pété un câble, on pourra malheureusement pas continuer ce débat plus longtemps que maintenant. Goldorak, donc ta petite conclusion. Bah alors, bah, j'ai fait le petit relevé donc de ce qui s'est passé un petit peu ce soir entre Françoise et GG. Mmh. Alors Françoise a quand même été relativement calme parce qu'elle n'a balancé que 5 insultes. 92% des gens sur Minitel, on a eu les votes dernièrement, c'est Philippe qui m'a dit ça tout à l'heure, ont pris parti pour Françoise et 6% pour Gérard et 2 personnes ne souhaitent pas, donner leur avis. Alors attends, je t'explique. Donc 92% contre 6%, je crois que là il y a du travail pour Gérard qui apparemment a pris un très mauvais point ce soir. C'est clair. Françoise, donc c'est juste 5 petites insultes, 3 merdes, un abruti, un con, et alors Gérard, on en est quand même à 37. Et on a tout, des couilles, du cul, abruti, connard, et puis là je viens de rajouter fils de pute, trou du cul, ta gueule et compagnie. Non, mais c'est sûr que là les insultes ça a fusé ce soir. Gérard qui m'avait promis d'être calme et justement de pouvoir faire quelque chose d'intelligent et en dehors de ces débats, bah, je crois qu'on pourra se contenter que de ces débats et que ce qu'on a fait ce soir on pourra le pas faire une deuxième fois, c'est terminé pour toi. Ça pourra pas se faire malheureusement une deuxième fois puisque Gérard n'est pas suffisamment adulte, 37 ans. François, t'as quel âge? 38. Ah oui d'accord, ok, bah on sent quand même la différence mentale. Donc voilà, Goldorak, merci. Ouais, alors Francky, en fait, moi, j'ai en plus un petit problème, on pourra peut-être en reparler demain soir, c'est qu'en fait, je fais partie du BVP, c'est le bureau donc de vérification de la politesse, et j'ai le directeur du GEG, c'est-à-dire le service Gogol et Gérard, qui m'a contacté, parce qu'il a entendu parler de mes travaux. Gérard quitte le studio, et il me dit que j'aurai plus rien, donc voilà, c'est terminé, mais Gérard... Voilà, mais il faut pas non plus qu'il en abuse. En plus, il me traite de connard, je crois savoir. Donc, faut pas non plus. Faut quand même un jour qu'on lui remette quand même les points sur les i, les barres sur les t. Et qui est le chef ici et qui est l'employé. Hein. De toute façon, Francky, donc je te dis, le SGEG a entendu parler de mes travaux. Et apparemment, il a été mandaté par le ministère de la Culture pour Si le SGEG est derrière, forcément. Ah, c'est clair, ça va pousser. Quoi. C'est clair. Ouais. Écoute, merci Goldorak. Mais de rien. Françoise, pour conclure, tu vois, ça dure une heure pile, donc on a tenu le cap. Hein. On peut constater, je l'ai dit, 92% des gens ont pris parti vers toi pour probablement ta simplicité et puis le fait de répondre aux questions lorsque Gérard te les posait. 6% des gens ont été pour Gérard et 2% se sont abstenus, donc tu l'emportes à 92%. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je pensais que ça allait être quand même assez mitigé parce que je me suis dit, bon, Françoise, c'est quand même une grande gueule des fois. Tu l'emportes à 92% et Gérard 6%, donc et 2% ne veulent pas, pour l'instant, préfèrent s'abstenir, non pas d'opinion. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je trouve que c'est formidable. Ouais. Et puis. Vas-y, termine, ouais. Et puis. Disons que je sais que tout le monde m'estime vachement bien parce que c'est pas, je vais pas me lancer des sabots. Mais, ouais, entendez, Villard. C'est pas marrant, mais. Non, mais se lancer des sabots. C'est rare, ouais. Ça fait mal. Ça fait mal en plus. Ça peut faire mal, ouais. Mais disons que j'en vois pas chier tout le monde. Voilà, disons que quand il y a quelqu'un qui t'agresse, tu y réponds et tu t'énerves pas à gueuler en disant ta gueule, va te faire foutre et jusqu'à aller dire fils de pute et tout ça. Voilà. Donc Gérard a été sanctionné puisque la règle du jeu veut que quelqu'un qui insulte trop fortement soit sorti du studio, c'est chose faite. Gérard l'a très mal pris puisque monsieur pensait qu'à chaque fois on allait juste lui dire t'arrêtes sinon tu sors, et là on a vraiment mis à exécution la menace. Mm-hmm. Donc je pense qu'il s'est un petit peu vexé parce qu'il s'est aperçu qu'il était loin d'être le chef ici, et que le chef c'est toi. Voilà Françoise, et bon de le rappeler. Toi, de Max. Voilà, merci Françoise de temps à autre. Donc Françoise, félicitations pour ce premier droit de réponse. Je ne ferai pas comme question dans un champion, savoir si tu remets ton titre en jeu, est-ce que tu reviendras une deuxième fois. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si tu as encore des choses à reprocher à Gérard, tu feras su. On demandera ceci dit à Gérard s'il veut revenir, parce qu'il aura le droit de revenir. Max. Et donc pour l'instant, tu mènes par une partie à zéro. Et la règle du jeu est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais peut-être que tu allais voir Gérard. Ah non, je m'en fous complètement de Gérard. Non, là il se démerde comme un grand. Je l'ai prévenu depuis le début. Il m'avait dit vers 17 ou 18 heures, je lui ai eu au téléphone, donc même plus tard, je lui ai dit simplement d'essayer d'être confiant, de dire ce qu'il avait à dire contre Françoise, d'écouter Françoise et de répondre à ce qu'elle avait à lui reprocher sans insulter. Bon, il n'a pas tenu le coup. Au bout d'une demi-heure, on a déjà dû mettre une petite pause musicale et remettre les points sur les i. Ça a duré 10 minutes et 10 minutes après, il s'est emballé. Alors il est vrai que les gens agressent plus Gérard que Françoise, que Gérard, ils le connaissent mieux, il fait ses débats. Alors, Françoise se contente de passer que les mardis. Mais Françoise, aujourd'hui, a pris un point assez important aux yeux et dans l'esprit du Star System en l'emportant 92% à 6 et 2%, je le rappelle, qui sont abstenus. Merci Françoise encore d'être venue. On te paye le taxi royal pour rentrer chez toi. D'accord, merci. Ce soir, dans le Star System, spécial droit de réponse.